Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle émission sur Génération Rétro Gaming. Et cette fois-ci, on va donc parler de la mini PlayStation classique qui vient de sortir, enfin qui va sortir le 3 décembre un peu partout. Donc c'est une console de Sony qui rejoint un peu la vague des consoles sorties chez Nintendo et Sega, également avec la Mega Drive et la NES, la Super NES. C'est une console donc émulateur pratiquement, hein. C'est une console qui va vous permettre de jouer à 20 jeux préinstallés déjà dans la console avec une manette et puis une connexion HDMI pour connecter justement votre console à votre téléviseur HD moderne, vu qu'il y a très peu de télé aujourd'hui qui ont des prises Péritel. Donc voilà, c'est une console qui fait un peu polémique parce qu'elle sort quand même au prix de 99€, c'est énorme. Par rapport aux consoles que vous pouvez retrouver quand vous faites justement du rétro gaming, c'est une des consoles les moins chères qu'il y a sur le marché de l'occasion, parce que pour plusieurs raisons, hein. La console Sony PS1 à l'époque, c'était une console qui avait des gros problèmes de lentilles. Pour être gentil, c'est une console qui marchait, on va dire, qui était très capricieuse et qui avait des difficultés justement avec les scènes cinématiques et puis les chargements qui parfois se bloquaient. Les jeux, il fallait vraiment qu'ils soient très propres sur le CD pour que les jeux fonctionnent assez longtemps. C'était une lentille très capricieuse avec un système vraiment... on va dire très bas de gamme, hein. C'était un lecteur CD très bas de gamme, on pouvait pas avoir de DVD encore à l'époque sur la PS1, et puis on avait juste les CD comme format avec la carte mémoire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les consoles PS1 se vendent très mal d'occasion, parce qu'il y a les lentilles à réparer et également on sait pas si la console marche très bien. Donc on va dire que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent découvrir la PS1 aujourd'hui avec cette console émulateur, parce que c'est rien d'autre qu'un émulateur, vu que la console comporte 20 jeux installés sur un disque dur interne. Et on ne pourra pas mettre ni de CD ni de carte mémoire, faut vous dire ça. Donc si vous aviez à l'époque par exemple des sauvegardes qui traînent un peu à droite à gauche sur les jeux dont je vais vous parler, vous ne pourrez pas y rejouer, il faudra tout reprendre à zéro. Donc on peut espérer aussi que, comme par rapport à la NES classique, on pourra la bidouiller et puis installer des jeux en ROM. Même si de base la ROM c'est quelque chose d'illégal que Nintendo a contré sur les forums et a empêché justement une fois la NES et la Super NES sorties, vu l'ampleur que ça avait pris au niveau du piratage de ces deux mini consoles classiques. Donc voilà la PlayStation 1, si vous voulez la trouver d'occasion, si vous faites du vrai rétro gaming, justement en achetant des jeux import japonais, américain, justement en 60 Hz plein écran, et si vous n'êtes pas trop fan justement des jeux en 50 Hz qui étaient sortis en Europe avec les bandes noires et le ralentissement de la vitesse du jeu, comme pour les Tekken, comme pour les Ridge Racer, les jeux de foot, enfin tous les jeux de vitesse, surtout c'était un gros souci. Les jeux d'aventure c'est pas un gros problème, hein. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire du rétro gaming, du pur rétro gaming, vaut mieux acheter une console d'occasion qui est environ 25-30€, c'est très peu cher. Vous la faites switcher, modifier, vous réparez la lentille, vous vous en sortez pour 60-70€. Vous avez une bonne console qui marche et vous avez après tous les jeux matérialisés, on va dire, parce que là malheureusement c'est que du démat. Et je vais vous parler des jeux donc qui sont avec cette console. Il y a 20 jeux donc il y a du bon et il y a du moins bon. Faut dire une chose, c'est que dans la liste des 20 jeux, les points forts, c'est surtout pour les jeux de combat Tekken 3. Il y a Oddworld, l'Odyssée d'Abe, qui est un jeu de réflexion d'aventure. Il y a Rayman, qui est un super jeu de plateforme, un des meilleurs qui était sorti à l'époque. Rayman, la petite anecdote, c'était un jeu qui devait sortir à la base sur Super Nintendo et qui a été tellement repoussé qu'il finalement il est sorti sur la Sony, sur la PS1 de Sony. Il y a également Resident Evil Director Cut, donc c'est Resident Evil 1 avec les petites scènes de sang en plus et la cinématique qui devait être en couleur également à l'époque. La scène d'introduction, justement, on voit la scène de film qui explique comment les aventuriers sont arrivés dans cette bâtisse en hélicoptère, etc., avec des bestioles qui les bouffent une fois qu'ils sont atterris. Et justement, c'est marrant parce que le Director Cut qui est sorti en Europe à l'époque, il devait sortir en couleur au niveau de l'introduction. Il n'est jamais sorti suite à une mauvaise impression dans les boîtes de production. Et finalement, au Japon, ils ont sorti une deuxième version Director Cut qui avait justement cette introduction en couleur. Donc ça, c'est la petite anecdote. Bon, sinon, au niveau des courses de voiture, Ridge Racer Type 4, alors moi je suis pas fan de ce jeu-là, je les ai tous fait les Ridge Racer sur la PS1, et c'est clairement un des moins intéressants, parce que il y a le côté simulation qui est rentré dans le jeu avec ce Ridge Racer 4, et le côté arcade fun qu'on avait dans le Ridge Racer Evolution a complètement disparu. Moi je l'ai trouvé vraiment chiant, enfin chiant, c'est-à-dire que les musiques étaient pas entraînantes. Les courses non plus, il n'y avait pas de difficulté, on arrivait facilement à battre les adversaires, il y avait énormément de courses pour arriver. Ils avaient rajouté beaucoup de courses qui servaient à rien, et finalement, quand il y avait des jeux à côté comme Gran Turismo qui était déjà sorti sur la console, et on s'amusait beaucoup plus ailleurs, même sur les Wipeout. Donc voilà, le point faible, c'est qu'il n'y a pas de Wipeout qui est sorti. Pourtant, ce Wipeout, c'est un jeu Sony, et je ne comprends pas qu'il soit pas dans la liste des 20 jeux. C'est assez étonnant. Il y a également Twisted Metal. Alors Twisted Metal, c'est un jeu fourre-tout, c'est-à-dire que c'est un mélange de stock-car avec des armes futuristes, pas futuristes. On comprend pas trop ce que c'est. C'est un jeu, je me souviens, qui était sorti au tout début de la console. C'est un jeu que j'avais gardé peut-être 2 mois avant de me dire c'est n'importe quoi, je vais pas garder ça. Et c'est un jeu qui est pas intéressant. Vous verrez si vous le testerez, si vous le testez quand vous aurez la console. Vous serez mitigé, vous vous direz bah, finalement qu'est-ce que c'est que ce jeu? On est dans un décor un petit open world stock-car et puis après on change de niveau, on fait d'autres confrontations. Bon, c'était pas génial. Il y a Wild Arms qui est un jeu pas trop mal. Bon, je vais pas trop en parler parce que je l'ai jamais eu, je l'ai jamais fait ce jeu. Il y a Tom Clancy Rainbow Six. C'est le premier Tom Clancy, je pense, hein, qu'ils ont mis. Y a pas, j'ai pas d'autres, j'ai pas trop d'autres infos par rapport à ce jeu. Donc, les Rainbow Six, quand ils sont sortis sur la PS1, c'était l'équivalent de ce qui se faisait sur PC à l'époque. C'est-à-dire que les décors, vous verrez, par rapport à ce qui s'est fait sur PS3 plus tard, ça a pas trop de rapport. C'est toujours des petites missions où on avance, justement pour sauver des otages, etc. Mais c'est pas très bien fait. Et la scène d'action est assez limitée, assez petite, hein. C'est pas un jeu qui est magnifique graphiquement et il a très très mal vieilli, hein. Si vous le voyez sur YouTube dans les tests vidéo, c'est. On va dire qu'il fallait y jouer à cette époque sur un PC plutôt que sur une PS1. Il y a Syphon Filter, donc ça c'est un jeu qui est sorti un peu plus tard après la sortie de la console. C'est un jeu à la James Bond d'infiltration. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le 2 par exemple, qui était un peu plus intéressant, mais Syphon Filter, c'est un jeu qui est sympa et on va dire que ça fait une petite variation dans la diversité en fait de la setlist des 20 jeux, mais c'est pas un jeu exceptionnel non plus, hein. C'est un petit jeu d'action, infiltration entre guillemets, voilà, c'est un peu scripté, il faut aller du point A à un point B en tuant les ennemis, mais c'est pas génial, génial non plus. Alors là, je comprends pas trop. Ils ont mis Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Donc, ça, c'est un petit jeu à la Columns, Tetris, etc. C'est un jeu qui est pas très intéressant et on y joue 10 minutes, 15 minutes après, on l'éteint. Il y a Révélation Persona, je crois que c'est un jeu d'aventure, ça. Bon, j'en parlerai pas non plus comme Wild Arms parce que je l'ai pas fait. Voilà, l'Odyssey d'Abe, Oddworld, c'est un super jeu, c'est un des meilleurs jeux, un des titres phares de la PS1. Ils n'ont pas réussi, c'est dommage, à continuer la série sur PS2 et PS3 comme ça aurait été mérité. Ils sont passés à la 3D et ça n'a pas trop fonctionné, mais le côté 2D. Le truc, c'est que j'espère vraiment que ce jeu sera en français sur la console, qu'on pourra choisir les langues, parce que s'il est que en anglais, ça va casser le charme, parce qu'il y avait des petites voix vraiment sympas en français, surtout sur l'Odyssey d'Abe numéro 2, qui était en deux CD à l'époque, qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus long côté aventure. C'était plus action-réflexion le 1, même s'il y avait des scènes cinématiques souvent quand on changeait de niveau pour nous expliquer ce qui se passait. Mais l'Odyssey d'Abe, c'était vraiment un très bon jeu et difficile. Il fallait vraiment être stratégique dans sa progression pour pas justement mourir. L'intérêt, c'était de sauver ses compatriotes qui allaient être justement tués pour être servir de nourriture dans un abattoir. Et on est sur une autre planète, hein, donc avec des extraterrestres, etc. Donc c'est une aventure que je vous laisse découvrir si vous connaissez pas. C'est vraiment très bien. Alors, il y a Mister Driller. Je sais pas du tout ce que c'est, ça. J'en parlerai pas non plus. Alors là, on arrive à un très très grand jeu, comme Resident Evil, c'est Metal Gear Solid. Alors ça, c'est un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo, carrément, avec les Zelda, avec les Mario Bros, enfin, tous les grosses licences, les Castlevania, etc. Metal Gear Solid, c'est une licence qui a commencé déjà sur la NES de Nintendo en 85-86, c'est très vieux. Et c'est un des meilleurs jeux, concrètement, qui est sorti sur PS1. Et sincèrement, je suis très content qu'ils aient sorti cette licence sur la PS1. C'est étonnant qu'ils aient réussi à avoir justement le droit de l'importer, quand on voit qu'il n'y a pas de Wipeout ni de jeu de football, quand on sait que les ISS et les FIFA, c'était du très bon à l'époque pour une PS1, hein, je parle. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'ISS Pro, par exemple, 98 ou 2000. Et en contrepartie, on a des gros titres comme Metal Gear, c'est vraiment bien. Donc je vous laisse. Vous savez très bien ce que c'est Metal Gear, donc je ne vais pas en parler, hein, c'est un des meilleurs jeux. Et Jumping Flash, alors ça c'est un. Je crois que c'est le jeu numéro 02 ou 03 de la console, ou peut-être 01. Il était sorti dans les 5 premiers titres de la console. Et Jumping Flash, bah, c'est un jeu 3D à la première personne. On est dans une espèce de robot géant, on doit attraper des choses, avancer dans un monde un peu féerique, fantasy, etc. Bon, c'est un jeu qui était censé montrer les capacités de la console à l'époque pour la 3D, parce qu'on sortait de la Super Nintendo en 95, et on devait justement, avec ce jeu, profiter, comme les Destruction Derby, profiter des capacités de la console. Avec la 3D, et puis. Bon voilà, quoi. Il n'y avait pas de jeu à la première personne en FPS, donc c'était un des premiers. Avant que Doom sorte, voilà. Et ensuite, on a eu donc Destruction Derby dans cette liste, et Destruction Derby, c'est pas trop mal. C'est un jeu de stock car pur et dur, hein, comparé à Twisted Metal qui est plus dans le. Voilà, jeu de tir. Enfin, c'est incompréhensible comme titre, vous verrez. Donc Destruction Derby, c'est vraiment du fun. Il y a plusieurs épreuves. Franchement, c'est un bon petit jeu. La 3D a beaucoup vieilli, par contre. Hein. Une fois que vous rentrez dans les voitures, quand les carrosseries s'entrechoquent, etc., ça faisait des petits éclats à l'époque. Mais la résolution sur les TV cathodiques qu'on avait, nous 35 cm, 36 cm ou 45, on avait des petits télés. Et c'était en péritel, l'image était plus ou moins floue, et ça cachait les défauts des graphismes. Mais malheureusement, là, je pense qu'avec la HD, ça va vous sauter en plein dans les yeux, ça va vous faire mal aux yeux, je pense, à un Destruction Derby sur plein écran. Faudra voir comment ça s'affiche, mais sinon, au niveau des musiques, etc., c'est un jeu qui est très fun. Hein. Ils ont mis également Grand Theft Auto. Alors le premier Grand Theft Auto, là c'est pareil, hein. C'est un jeu qui va vous étonner parce que la vraie licence que nous on connaît, ça a commencé à Grand Theft Auto 3. C'est-à-dire que là c'est du 2, c'est de la 2D sur le 1 et le 2, Grand Theft Auto 1 et 2, c'est des jeux qui sont sortis sur PC et console. Et sincèrement, ça a très très mal vieilli. On dirait un jeu Android ou téléphone portable d'il y a 10 ans. En plus, ça zoome dans tous les sens, ça fait mal à la tête. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui ont eu en plus de la polémique qu'il y avait sur les armes à feu, qui était un peu ridicule, il y a beaucoup de gens à l'époque, comme pour un Wipeout, qui ont des problèmes d'épilepsie sur ce jeu, suite justement à la rapidité de l'image, des séquences d'images à l'écran, et puis des zooms qui étaient continus. Et c'était un jeu à problème. Et on s'amusait pas forcément parce que c'était pas super beau. Vu de haut, c'est pas le GTA qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Ça n'a aucun rapport. Mis à part le fait que vous êtes un gangster et puis que vous avancez, vous tirez sur des policiers, etc. Enfin bref, voilà quoi. Cool Borders 2, donc ça c'est un super jeu de snowboard. Alors la petite anecdote qu'il y avait à l'époque, c'est que quand vous aviez des DualShock vibrantes, la manette avait une façon de vibrer quand vous étiez dans la poudreuse avec votre snowboard et quand le snowboard s'enfonçait justement. Il y avait cette sensation comment dire, de toucher à la neige et de frotter en fait, avec la vibration qui était super bien faite à la manette, comme pour un Colin McRae qui n'est pas dans la setlist, c'est vraiment dommage. Un Colin McRae ça aurait été super et on n'en a pas quoi. Et donc Cool Borders 2. Qui exploitait vraiment la DualShock à l'époque, comme Cool Borders, comme je sais plus quel autre jeu, comme Colin McRae pardon. Et Cool Borders 2, bah, c'est un jeu qui est sympa, qui est assez long. Ils ont suivi la série ensuite sur PS2 avec les. Un autre, ils ont en changeant de nom. Mais c'était vraiment un jeu sympa à jouer, très fun, dans l'ambiance un peu arcade. Que faisait Sega à l'époque sur cette borne d'arcade, et c'était un très bon jeu. On a également Battle Arena Toshinden. Alors, Battle Arena Toshinden, c'est un jeu qui est sorti au tout début de la console aussi, doit être estampillé 0, 0.1, 0.2 ou 0.4, je sais plus. Mais c'est un jeu qui a très mal vieilli, par contre, également. Ils ont fait des suites, il y a eu le 2, le 3, le 4, le 3 et le 4 au Japon. Qui ont pas très bien marché parce que justement ils n'avaient pas un choix énorme de personnages et la 3D avait mal vieilli un an après que le jeu soit sorti déjà sur le premier Toshinden quand on avait vu les Tekken 1, les Tekken 2, les Tekken 3 qui étaient beaucoup plus complets niveau combat en 3D et là c'est du combat à l'arme blanche un peu c'est un peu l'ancêtre entre guillemets de Soul Calibur. Mais vraiment très très éloigné, hein. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur l'idée de se battre au centre d'une pièce et de faire tomber l'adversaire en dehors du ring ou de le terminer sur le ring en donnant des coups d'épée ou des coups de hache, etc. Il y a des combattants qui ont plusieurs types comment dire, d'arts martiaux intégrés, etc. Mais bon, il y a très peu de coups. Les musiques étaient plutôt sympas, mais sincèrement, c'est pas un jeu qui est un titre phare vraiment. Il a été titre phare de la console pendant un an, on va dire. Mais une fois 96 arrivé, le jeu était vraiment dépassé techniquement, etc. Donc je sais pas si vraiment aujourd'hui ça va vous faire plus rigoler qu'autre chose. Voilà quoi. Donc. La setlist de la PS1, bah voilà, je vous ai énoncé pratiquement tous les titres. Je sais pas si sincèrement ça vaut le coup de l'acheter parce que 100 € moi je préfère acheter une console d'occasion qui marche ou d'en retaper une qui marche pas très bien pour 50-60 et ensuite me faire ma collection en matérialisé avec les jeux que je veux vraiment. Faut savoir que les jeux PS1 d'occasion, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut entre 5 et 20 € pour la plupart des titres. D'occasion et les gros titres comme on va dire Resident Evil 3, Resident Evil 2, je sais plus lesquels, Final Fantasy 7. Voilà, il y a Final Fantasy 7 aussi, je vous en ai pas parlé parce que ça c'est un titre énorme aussi pour la console de Squaresoft, Square Enix. Et c'est un titre énorme, c'est-à-dire que c'est carrément le meilleur jeu d'aventure sur, on va dire, sur les 20 dernières années, avec d'autres jeux, bien sûr, hein. Mais c'est un jeu qui a marqué sa génération. Quand il est sorti, il était sur 4 CD. Donc je pense que c'est un des jeux qui va tenir sur une grande capacité du disque dur qu'ils vont fournir avec la console. Mais ça aurait été bien qu'ils puissent mettre plus de Final Fantasy comme le 9 et le 8 qui sont très bien aussi. Le 7, il reste dans l'esprit des Final Fantasy qu'il y avait sur Super Nintendo, alors que le 8, il s'est un peu démarqué tout de suite vers le côté un peu plus adulte, alors que le 9 est retourné vers l'époque Fantasy, juste pour un épisode, qui était vraiment pas trop mal aussi, mais avec des personnages moins attachants et beaucoup plus enfantins. Et le 7, c'est une histoire qui est très très longue. Je crois qu'il faut aller plus de 30 heures à l'époque. Pour un jeu, c'était énorme à l'époque, hein, 30 heures pour terminer le jeu. C'est un système de combat que vous connaissez, donc je ne vais pas en parler. Mais Final Fantasy, c'est une des raisons qui peuvent vous faire acheter cette console pour le faire ou le refaire. Mais sincèrement, quand on est collectionneur rétro gaming, l'intérêt, c'est d'avoir le jeu matérialisé avec la notice, les 4 CD, une édition collector ou des choses comme ça. Mais je vois pas aujourd'hui un rétro gamer qui collectionne les consoles pour le plaisir et pas pour les revendre s'acheter cette console qui est à 100 € avec une setlist de jeux à 50% très bonne et 50% vraiment très très moyenne. Là, je vais vous compter 1, 2, 3, 4, 5, soit il y a presque 10 jeux qui sont bons, mais encore, on est plus sur 7 ou 8 que 10. J'espère que dans le futur, peut-être qu'on pourra peut-être connecter la console, je ne sais pas s'il y a un Wi-Fi ou quoi, mais connecter la console justement à Internet pour télécharger ou acheter d'autres jeux, ça aurait été bien. Et bon, le packaging est sympa parce que on se retrouve avec, comment dire, la boîte d'origine de la PS1 quand elle est sortie. Alors moi je me souviens, la PS1 quand je l'ai achetée, je crois qu'elle était à 2490 francs dans les anciens Score Games. Je l'avais achetée sur à Saint-Michel, Jussieu, je me souviens. Elle était sur République aussi, une semaine ou deux en avance avant qu'elle sorte dans le commerce. Et on l'avait eu à 2490 ou 2290 francs. Ça nous fait quelque chose comme voilà, qu'à du 400 € aujourd'hui. Ou peut-être 1890. Je me souviens plus du prix. Ou peut-être justement, c'était justement le. Il y avait peut-être un pack avec une deuxième manette, une carte mémoire et puis Wipeout. Je me souviens plus trop de cette histoire. Mais bon. Moi, je préférerais sincèrement que Sony ressorte plutôt la console d'origine normale, mais avec un disque dur à l'intérieur, mais qu'on puisse mettre des cartes mémoire, des CD en plus, si on veut mettre des CD, quoi. Ça aurait été bien. Et avec une nouvelle lentille qui marche aussi bien que les lentilles qu'on a aujourd'hui dans le commerce. Donc voilà, je voulais faire un petit zoom, hein, sur cette console Sony PlayStation classique, qui marchera, je pense, à Noël, mais. Je pense pas qu'on atteindra la nostalgie qu'il y avait sur la NES et la Super NES, pour les NES classiques, etc. Et puis je vous dis à bientôt.